Leçon 3. Activités 2 et 3. Page 118. Piste 92. Dis-moi, Nam, où se trouve la baie d'Along? Elle est située dans le nord-est du Vietnam. Et la ville d'Along? Elle est au bord de la baie d'Along. Elle est à combien de kilomètres de Hanoï? À environ 150 km de Hanoï. Et elle est loin de Haiphong? Non, elle se trouve tout près de Haiphong.